podcast enregistré pour le Français sur le bout de la langue par Cécile Belluard. Leçon œil. Activité numéro 2. Vous allez à présent entendre un enregistrement des phrases proposées dans le cadre de l'activité numéro 2. Cet enregistrement doit vous servir de référence quant à la prononciation des mots qui vous sont donnés dans l'exercice. Écoutez autant de fois que nécessaire cet enregistrement et répétez en même temps les phrases que vous entendez. Dès que vous vous sentez prêt, n'hésitez pas à vous enregistrer et à faire évaluer votre prononciation. Bon courage à vous. À présent, voici l'enregistrement des phrases proposées. L'écureuil joue entre les feuilles. L'écureuil joue entre les feuilles. Il cueille du cerfeuil. Il cueille du cerfeuil. J'aime les images de ce recueil. J'aime les images de ce recueil. Votre accueil est chaleureux. Votre accueil est chaleureux. Ces gens sont en deuil. Ces gens sont en deuil. Par orgueil, tu refuses l'aide que l'on t'apporte. Par orgueil, tu refuses l'aide que l'on t'apporte.